Je sais qu'on peut pas me saquer, ça se voit même sans que j'utilise mes sens. J'dormais dans tous les sens, et j'en aime pas ce que je vois. Tu me jalouses déjà que j'use le maximum de face. Pour le 19, elle implosait à chaque pas. Sur le monde, elle passe, on fait sur place. On est placé malgré l'aspect. On pose sous pied sur ce place, et nous avons tasse. D'autant les chasses, et les chasses, et leur fait des chasses. Et c'est une chose, et c'est chaud, ça commence à parler. Où sont les sens? Où je sens sur mon ascens, sur les mains du sang. Sur le mur, on a fait bien du que t'es héros. Mon reste, tu m'as pas du. C'est plus de risqué, regardons tes 40 ans. Chacun s'est risqué, là c'est la smile. Là on se met la rap de haut niveau. Yes, aïe, tu reconnais notre niveau. C'est plus que risqué, regardons tes 40 ans. Chacun s'est risqué, là c'est la smile. Là on se met la rap de haut niveau. Yes, aïe, tu reconnais notre niveau. On se fie aux gens de nos jours, c'est pas l'argent qui rend ainsi. Et si seulement y avait que ça, ce serait plus facile. Autant de salopes que de dames sur Paname. Un sachet aussi vite vendu qu'un frère. Atmosphère tant dû dire qu'elles avaient prétendu être des potes. Rien que des putes à coups de patte. Pas de pitié, c'est pas une histoire qui date. Mais beaucoup trop l'ont oublié, c'est crié. Dans ces cas-là, faut pas se faire prier. Pour ces gars-là, faire prier le parier. Ça se voit qu'un frère n'est pas là, manque à l'appel. Tu veux des noms, je t'en sors à l'appel. Hadès, si tu te rappelles, en sa présence, tous de près, pas de bol. Fais bout de la ville, on est là. Encore debout, pas prêt, si combat il y a. Tout part en sucette, mais cette fois sur cette planète à sept. Toujours seul dans le cerf, ça sert, c'est son gros sursaut. Sur ce, rassuré, suré, j'ai le sourire sur ma vie que ça saoule. Je suis pas sur un sourire sur ma vie, ça saoule. De mettre comment on soude, on soude. Mike l'acide, m'attire des soudes. Cassette, on s'est fait de cité en salle. De ton cerf, on se fait à son tissu. Franchement, on est en production si seul, y'a pas question de cesse. C'est ça, et si on s'est jamais laissé faire l'an. L'année pourtant a été vague, mais tu connais bien mon prénom. Adresse, mais la décision, on casse tout ce qui bouge, tout ce qui part. Bref, tout ce qui est grave sonne l'alerte rouge. On en tire au max, ça c'est plus que risqué. Regardons tes parents en eau. Chacun s'est risqué. Là c'est la SMA, là on se mêle à rap de haut niveau. Yes, aïe, tu reconnais notre niveau. On en tire au max, ça c'est plus que risqué. Regardons tes parents en eau. Chacun s'est risqué. Là c'est la SMA, là on se mêle à rap de haut niveau. Yes, aïe, tu reconnais notre niveau. On voit rien, personne sait tout, presque. Tous aussi drôles qu'une fresque. Quand ça se plus que devant le risque. Mais tant que c'est pas eux qui cassent, que c'est. Tous savent ce qui se passe, que c'est une évidence. Dans ce monde de balance, quand tu danses trop avec les fous, mais tu ne suis pas la cadence. Pense aux conséquences, y'a trop de cons. C'est que une séquence, comme celle-ci sur l'Est des séquelles. Dans ce cas-là qu'ils s'y collent, de toute façon faut que tu coules. Quelle que soit la manière, la bannière que tu portes, protège tes arrières. Surtout quand personne te supporte, tu ne seras pas une grande perte. Un jour ou l'autre, faudra que tu partes. Les dents si prévisibles, méfie-toi de l'homme invisible. On continue au max, ça sort, c'est plus que risqué. Regardons tes carences en neuf, chacun s'est risqué. Là c'est la SMA, là on se met la rap de haut niveau. Yes, aïe, tu reconnais notre niveau. On continue au max, ça sort, c'est plus que risqué. Regardons tes carences en neuf, chacun s'est risqué. Là c'est la SMA, là on se met la rap de haut niveau. Yes, aïe, tu reconnais notre niveau. C'est spécial, classe des jeans à tous les traitants. C'est ce public qu'on a écoulé. La suite, une nouvelle production, une nouvelle prestation. Venu tout droit de couleur du 19e arrondissement. Message personnel à tous ceux qui ignorent la venue d'un arc.